Iman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le ministre burundais des Finances annonce un don de 100 millions de dollars américains de la part de la Banque africaine de développement Burundi pour les travaux de construction du chemin de fer reliant le Burundi à la Tanzanie et à la République démocratique du Congo. Entre-temps, le Burundi n'a pu consommer que 37% de l'enveloppe de 496 millions de dollars que la BAD avait prévu pour soutenir les secteurs clés de développement pour le Burundi. Dans ce journal, vous en saurez également davantage sur l'émission principale de la nouvelle société pétrolière du Burundi, Sopebu, telle que définie dans le décret présidentiel du 20 février dernier. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Pour ouvrir ce journal, un corps sans vie a été retrouvé dans une toilette au quartier Mugere en zone Kanyosha. Cette macabre découverte a eu lieu ce mercredi. Ce corps, qui présentait des blessures sur la poitrine et sur la tête, a été identifié. Il s'agit de Naou Nisa Nestor, âgé de 34 ans, taximen, originaire de la colline Nebubanza, commune Mutambu de la province de Bujumbura. Il résidait dans ce même quartier de Mugere. La famille de la victime indique que ce jeune homme avait été enlevé jeudi de la semaine écoulée puisqu'il n'était pas rentré à la maison. Les recherches dans tous les cachots et prisons de la mairie de Bujumbura n'avaient rien donné comme signe de vie. Sa famille avait opté de déposer un avis de recherche à la police judiciaire, mais les résultats n'étaient pas encore disponibles. Son corps a été enterré dignement en début de soirée ce mercredi. 37%, tel est le taux de décaissement de l'enveloppe de la Banque africaine de développement de 496 millions de dollars pour soutenir les secteurs clés de développement pour le Burundi. Ceci a été dit ce mardi lors d'un atelier de présentation des résultats du document de stratégie pays entre le gouvernement du Burundi et la représentation de la BAD au Burundi. Ça a été une occasion de présenter aussi les perspectives d'avenir sur une période qui s'étend de 2024 à 2028. Le ministre des Finances a expliqué au cours de cet atelier que plusieurs facteurs, notamment la lenteur dans l'élaboration des projets et leur mise en application, ont fait que l'enveloppe de la Banque africaine de développement ne soit pas décaissée en totalité. Évariste Nzikobanyanga était là pour nous. Reportage. Le gouvernement du Burundi dit être satisfait de l'exécution des 21 projets sur financement de la Banque africaine pour le développement en une période de 4 ans, exercice 2019-2023. Cela étant, le financement de cette banque chiffré à 496 millions de dollars américains n'ont pas été décaissés à un niveau satisfaisant car le décaissement est évalué à 37%. Suivez le ministre des Finances, Audace Niyonzima. Comme vous l'avez suivi, cet atelier consistait à présenter les résultats du document de stratégie pays de la Banque africaine de développement. Et ce document couvrait la période de 2019 à 2023. On a présenté les résultats. Vous avez constaté que nous avons 21 projets dans ce document avec un financement de 496 millions de dollars. Et jusqu'à présent, nous avons décaissé environ 37% de toute l'enveloppe. Vous avez aussi constaté que les projets couvrent principalement 5 secteurs, donc le secteur de l'énergie, le secteur de l'agriculture, le secteur social, le secteur de gouvernance. Cela étant, le représentant résident de la Banque africaine pour le développement au Burundi tranquillise que ce financement ne va pas faire chemin retour comme ça se fait en cas de non-décaissement en entièreté pour d'autres financements. Pascal Mbeline est le représentant de la BAD de Burundi. Alors, tout de suite, je dois vous dire, les fonds ne vont pas retourner. Ce que nous faisons, nous-mêmes, nous sommes sur le terrain et nous apprécions la situation d'ensemble avec le gouvernement. Nous regardons les causes de ce retard, nous essayons de comprendre. Des fois, nous pouvons faire une mission pour faire une restructuration, c'est-à-dire réaligner le projet sur les objectifs du gouvernement. Et d'un commun accord, nous nous mettons d'accord sur le fait que cette activité reste une priorité, c'est nécessaire et les gens en ont besoin. Et donc, il faut lui donner le temps nécessaire pour le terminer. Nous appelons ça dans notre jargon la prolongation du projet. Les secteurs financés par la BAD, c'est entre autres les infrastructures, la gouvernance, l'eau et l'énergie et le social. Et ce sont ces secteurs qui continueront à être financés par cette banque pour l'exercice 2024-2028, selon toujours le représentant de cette dernière au Burundi. Évariste Nzikobanyang a une enveloppe de 100 millions de dollars américains. C'est le don de la Banque africaine de développement Burundi pour les travaux de construction du chemin de fer reliant le Burundi aux pays voisins, la Tanzanie et la RDC. C'est un appui qui est dans un accord signé ce mardi également entre le gouvernement du Burundi et le représentant résident de la BAD. Le ministre des Finances a annoncé que les travaux de construction de ce chemin de fer débutent au mois de juin prochain. Il tranquillise les familles expropriées à cause de ce projet que la question d'indemnisation est en cours de traitement. Suivez le ministre Audace Niyonzima. L'atelier s'est clôturé avec la signature d'un accord de don d'environ 100 millions de dollars. C'est un accord de don pour financer le projet du chemin de fer qui va relier le Burundi, la Tanzanie et la RDC. C'est un financement qui va permettre de lancer les travaux, mais qui ne couvre pas toute l'enveloppe nécessaire pour réaliser ce projet. Mais c'est un financement qui est déterminant pour démarrer ce projet, à côté des fonds que le gouvernement va mettre dans ce projet, mais aussi des fonds qui vont être mobilisés par la suite auprès des autres partenaires. Nous pouvons espérer que les travaux vont démarrer bientôt, étant donné que tout le processus de préparation des termes de référence, d'attribution de marché est presque terminé. Maintenant, nous sommes à l'étape de sélection de l'entreprise qui va réaliser le projet. Et nous espérons que d'ici, avant la fin du mois de juin, et ce processus sera terminé et pour procéder au lancement effectif de ces travaux. Et nous espérons qu'au courant de cette année 2024, les travaux proprement dits de construction de ce projet vont commencer. Les dossiers d'indemnisation sont couverts par la contrepartie burundaise et le gouvernement a prévu le budget, les fonds dans le budget en cours d'implémentation. Les services techniques chargés de préparer ces indemnisations, je crois qu'ils sont à l'œuvre et on peut tranquilliser les populations concernées que le gouvernement va procéder à leur indemnisation aussitôt que les dossiers sont bien préparés. Le ministre en charge des Finances, Audace Niyonzima, dont les propos ont été recueillis par Évariste Nzikobanyanga. Nous vous parlions dans nos éditions de ce mardi de la société pétrolière du Burundi, Sopebu, chargée entre autres de planifier et de coordonner l'importation, l'entreposage et la commercialisation des produits pétroliers. Avec un capital de 120 milliards de francs burundais, son directeur général a un mandat de 4 ans renouvelable sur base des performances. Et un représentant des importateurs des produits pétroliers figure parmi les 7 membres du conseil d'administration. Mireille Kanyange revient sur d'autres missions de cette nouvelle structure telle que définie dans le décret présidentiel du 20 février cette année. Ce décret présidentiel du 20 février portant création, mission, organisation et fonctionnement de la société pétrolière du Burundi Sopebu est constitué de 55 articles. Le premier précise qu'elle est régie par le Code des sociétés, dotée d'une personnalité juridique, d'un patrimoine propre et une autonomie administrative et financière. La Sopebu est placée sous la tutelle du ministre ayant l'énergie dans ses attributions. L'article 2 de ce décret parle des missions de la dite société et sont au nombre de 14. C'est notamment de planifier et coordonner les activités de promotion et développement du secteur pétrolier, de constituer un stock stratégique physique des produits pétroliers pour une consommation trimestrielle au minimum et de gérer les entrepôts de l'État disponibles et à construire. Le décret précise en outre que la Sopebu est chargée de l'importation, du transport, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la réexportation des produits pétroliers, gaziers et leurs dérivés. L'article 4 montre que cette société pétrolière a un capital social de 120 milliards de francs burundais avec 1000 actions, un capital libéré par l'État du Burundi et où les sociétés publiques. Les articles 7 et 23 de ce décret du 20 février parlent de mandat du directeur général et du conseil d'administration. C'est un mandat de 4 ans renouvelable sur base des performances. Selon l'article 7, le conseil d'administration est composé de 7 membres. 6 représentent l'État. Il s'agit du directeur général de la société, d'un représentant de la superstructure, du ministère en charge des finances, du ministère en charge de l'énergie, du ministère du commerce, du ministère en charge de la sécurité et le 7e membre représente les importateurs des produits pétroliers. Selon l'article 31, le personnel de cette société, y compris les directeurs, sont recrutés sur base des tests et concours, conformément à la législation en vigueur. Quant à l'article 42, il montre que les comptes de la Sopebu sont placés sous le contrôle permanent de deux commissaires aux comptes pour un mandat de 3 exercices budgétaires non renouvelables et nul ne peut être candidat au poste de commissaire aux comptes de la société s'il est apparenté ou allié jusqu'au deuxième degré du directeur général ou d'un membre du conseil d'administration. Merci Mireille. Et le ministère de l'Intérieur annonce un recensement des étrangers résidents au Burundi et particulièrement les réfugiés. Ce sera du 26 au 28 mars prochain. Dans un communiqué rendu public, le ministère de l'Intérieur précise que l'activité se déroulera au bureau de toutes les zones de la mairie de Bujumbura et au chef-lieu de toutes les provinces du Burundi pour tous les étrangers et les réfugiés urbains, sauf pour les réfugiés des camps pour lesquels le recensement se déroulera dans les camps respectifs. Ce communiqué ne précise pas cependant l'objectif de ce recensement. Et les chicaneries entre militants du parti politique n'avantagent que leurs adversaires politiques. Propos du président du parti Codebou après les derniers développements intervenus au parti CNL. Kefani Wizi souhaite que personne ne soit victime de ces querelles. On l'écoute. Au niveau du parti Codebou, nous avons été sidérés par le schisme consommé au sein du parti CNL, la deuxième force politique du pays, car il s'agit d'un pas en arrière en matière de démocratie. Lorsque nous avons appris que le ministre et à la gestion des partis politiques dans ses attributions a refusé au représentant légal du CNL d'organiser un congrès, lui somma de chercher d'abord le consensus de tous les membres du bureau politique, nous avions pensé qu'il s'agissait des efforts pour rapprocher les deux partis antagonistes. Mais lorsque, dans un laps de temps, la partie ne comprenant pas le président du parti est autorisée d'organiser un congrès qui n'est pas issu du consensus de tous les membres du bureau politique tel que ça avait été demandé au président du parti et que les conclusions de ce congrès sont validées, des questions ont fusé partout et on se demande quelle était la visée de cette tentative de chercher la solution de ce conflit et qui a l'intérêt et qui tire les ficelles dans ce conflit. Lorsqu'un parti politique se disloque, toutes les parties perdent au profit de l'adversaire politique, et même la partie qui pense avoir gagné perd de l'influence, ne reçoit plus les postes issus des élections, et par voie de conséquence, perd la considération de tous ceux qui les croient la soutenir. On aimerait que personne ne soit victime de ce conflit et nous saisissons cette occasion pour demander à ce que tous ceux qui ont été arrêtés suite à ce conflit soient libérés et nous exhortons toutes les parties au strict respect de la loi burundaise dans les perspectives politiques. Kefa Niwizi, président du parti Codebou. Certains représentants de la population dans la province Bururi demandent à la commission Vérité et Réconciliation CVR d'entamer l'étape du pardon et de la réconciliation au lieu de rester longtemps dans le processus de recherche de la vérité sur les périodes tragiques du passé. Cette proposition a été faite ce mardi lors d'une réunion de présentation des réalisations de cette commission. Pierre Claver Ndayichalier, président de cette commission, leur a répondu que la vérité est la porte obligatoire pour lancer le chantier du pardon et la réconciliation. La société civile et les confessions religieuses peuvent accompagner la CVR, comme l'a déjà fait le diocèse de Ruyigi. Zenon Nzambiman. Au cours de cette réunion de présentation des résultats des enquêtes de la commission Vérité et Réconciliation CVR sur le passé tragique qu'a connu le Burundi ce mardi à Bururi, Pierre Claver Ndayichalier, président de cette commission, a indiqué que leurs enquêtes viennent de couvrir 1885 à 1973. Nos enquêtes viennent de couvrir une longue période, à savoir 1885 à 1973. Ça veut dire que nous venons de décortiquer les violations massives des droits de l'homme que nous avons pu enregistrer au niveau de la présence coloniale, au niveau des premières années de la Première République et jusqu'à l'année 1972-1973. Le mot clé dans nos résultats, c'est la vérité. La vérité sur les victimes dont on n'a jamais parlé. La vérité sur les auteurs, les criminels. La vérité sur les circonstances des assassinats et des exécutions extrajudiciaires programmées et planifiées dont on n'a jamais parlé. Mais mieux encore, nous devons entrer dans un autre chantier, celui de la vérité sur les biens meubles et immeubles spoliés. Selon certains des représentants de la population qui étaient dans cette réunion, ces enquêtes de 1885-1993 sur la vérité ont déjà pris une longue période d'au moins 6 ans, alors que la CVR devra enquêter sur la tragédie qu'a connue le Burundi jusqu'en 2008. Ces derniers proposent à la CVR d'entamer l'étape du pardon et de la réconciliation. Sur ce point, Pierre Clavel Ndayichalie, président de cette commission, a répondu que la vérité est la porte d'entrée obligatoire pour lancer le chantier du pardon et de la réconciliation, mais appelle les différentes associations et confessions religieuses d'appuyer la CVR dans ce processus. Vous saurez que 2160 victimes de la tragédie de 1972-1973 ont été exhumées dans 16 fosses communes de la province de Bururi, selon les résultats de la CVR de 2020 à 2022. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.